Toujours à l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le chef du département international du Front large du Pérou et le président de l'association d'amitié Thaïlande-Corée ont lancé le 27 juillet les entretiens. En soulignant que le 27 juillet, les États-Unis ont subi une défaite cuisante par l'héroïque peuple coréen, ils ont affirmé que les Coréens ont pu vaincre les Américains grâce à l'art de commandement extraordinaire du président Kim Il-sung et aussi à la force de tout le peuple étroitement uni autour du président.